Là juste à monter tout de suite au sommet. Et pas tomber. Ouais. Je suis toujours au bon niveau. juste toutes les conneries qui peuvent sortir de ma tête. Donc comme un hamster non plus, donc comme un petit coin coin coin coin coin coin. J'suis dans la mare, mec, j'ai jamais froid, j'ai jamais chaud, j'suis trop bien. J'suis en extase, toujours au bon niveau.